Bonsoir et bienvenue sur les ondes de la UDO, la radio universitaire de l'Occident, qui émet sur une longueur d'onde de 820 amplitude modulée à Mochis, Sinaloa, Mexico. Maintenant, ça devrait être une habitude de capter notre programme, le train de la musique, chaque dimanche soir à partir de 8 heures, car nous sommes à notre cinquième programme et je suis très heureux de le constater. Pour plaire à mes élèves, je ferai un programme spécial avec eux toutes, qui écoutent quand je jouerai une musique dédiée à chacune d'elles. Et la semaine qui vient, elles devront me dire de quoi parle la chanson qui leur a été assignée. Intéressant, non? Et au cas où elles n'auraient pas l'opportunité de m'écouter en direct, elles peuvent aller sur le link suivant et écouter le programme. C'est le http://2. Le train de la musique.blogspot.com. Et là, elles pourront écouter et réécouter plusieurs fois pour bien comprendre et pour leur rendre la tâche plus facile. J'ai fouillé dans mes archives et j'ai trouvé un chanteur populaire français et aussi très connu pour ses compositions. Et il s'appelle Johnny Hallyday. Pourquoi je l'ai choisi, vous allez voir. Il prononce bien les mots, le langage est très fluent et le lyrique est aussi très, très compréhensible. Et aussi, il est très simple à comprendre. Pour vous faire voir de quoi je parle, je commencerai ce programme avec une chanson que je dédie pour commencer à Marlène. Marlène, écoute bien cette chanson, car lundi, tu devras me dire de quoi il parle. Et la chanson s'intitule « Que je t'aime ». Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îlots. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas. Sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Je t'aime.

Maintenant, c'est au tour d'Alexandra. Alex, à toi maintenant d'écouter. Cette chanson, elle est facile à comprendre. Paie un peu d'attention et tu verras. Va sur l'Internet. Tu m'as dit une fois que très souvent, le soir, tu as des problèmes de capter la station là où tu habites. Tu pourras écouter autant que tu voudras. Quand tu n'auras qu'à faire reculer avec ton curseur la bande progressiste et écouter encore une fois, deux fois, trois fois même si tu veux. La chanson que je te dédie ce soir s'appelle « Si c'était à refaire ». Je regarde en arrière et l'ombre dévoile ses mystères. Oui, trop souvent dans mes nuits solitaires, j'ai traversé des brouillards éphémères. Mais à quoi bon vouloir brûler ce qui a fait ma vie? Non, je n'ai rien à regretter. Aujourd'hui, de ce que je suis, si c'était à refaire, j'irais ta lumière pour arriver jusqu'à toi. Si c'était à refaire, je referais tout, même à genoux, puisque ma vie c'était toi. Ma vie n'était faite que sable. Faux rendez-vous, photo sans souvenir. Aujourd'hui, tu écris dans le marbre par ton regard, tu construis mon empire. Même le temps veut s'arrêter à chacun de tes pas. Pourquoi devrais-je tout effacer? Et mon passé m'a conduit vers toi. Si c'était à refaire, je mes guerres pour naître avec toi. Si c'était à refaire, je referais tout, j'accepterais tout, même ces années sans toi. Mes descentes aux enfers, tous ces mots. À qui le tour maintenant? Voyons. Disons Christina. Christina, maintenant c'est à toi d'écouter. Maintenant avec beaucoup d'attention cette musique que je vais jouer pour toi. Elle sera chantée toujours par notre invité de ce soir, Monsieur Johnny Hallyday. Car c'est le chanteur élu pour nous accompagner ce soir dans le train de la musique. Et cette fois-ci, il va te chanter, et aussi à nous, cette mélodie intitulée « Derrière l'amour ». Special.